Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. C'était en 1956, sur les ondes de France 3 nationale, dans le théâtre et l'université, une émission placée sous le haut patronage de l'éducation nationale. On y donnait une version radiophonique du Don Juan de Molière, dans une mise en scène de Jean Villard, enregistrée en public à Chaillot. Jean Villard interprétait Don Juan, Daniel Sorano était Sganarelle et Monique Chaumette, Elvire. Avec eux, sur scène, George Wilson, Georges Riquier, Philippe Noiret et Jean Taupard. Cette pièce radiodiffusée, dont le deuxième acte avait été coupé, était suivie d'un débat animé par Philippe de Chartres au lycée Louis-le-Grand. Y participaient Paul-Louis Mignon, Jean Villard, le professeur André Lagarde du célèbre Lagarde et Michard, ainsi que deux élèves du lycée. Le théâtre et l'université, Don Juan ou le Festin de Pierre de Molière, dans une mise en scène de Jean Villard, enregistrée en public à Chaillot en 1956. Sganarelle, valet de Don Juan, est en compagnie de Gusman, écuyer d'Elvire. Halt ! Halt ! Quoi que puisse dire Aristote et toute la philosophie, il n'est rien d'égal. Au tabac. C'est la passion des honnêtes gens. Et qui vit sans tabac n'est pas digne de vivre. Non seulement il réjouit et purge les cerveaux humains, mais encore il instruit les âmes à la vertu. Et l'on apprend avec lui à devenir honnête homme. Ne voyez-vous pas bien dès qu'on en prend de quelle manière obligeante on en use avec tout le monde. Et comme on est ravi d'en donner à droite et à gauche, partout où l'on se trouve, on n'attend pas même que l'on en demande. Et l'on court au-devant du souhait des gens, tant il est vrai que le tabac inspire des sentiments d'honneur et de vertu à tous ceux qui en prennent. Mais c'est assez de cette matière. Reprenons un peu notre discours. Si bien donc, cher Gusman, que Dame Elvire, ta maîtresse, surprise de notre départ, s'est mise en campagne après nous, et son cœur, que mon maître a su toucher trop fortement, n'a pu vivre, dis-tu, sans le venir chercher ici. Veux-tu qu'entre nous, je te dise ma pensée? J'ai peur qu'elle ne soit mal payée de son amour, que son voyage en cette ville ne produise peu de fruits, et que vous n'eussiez autant gagné à ne bouger de là. Elle a raison encore. Dis-moi, je te prie, Sganarelle, qui peut t'inspirer une peur d'un si mauvais augure? Ton maître t'a-t-il ouvert son cœur là-dessus? Et t'a-t-il dit qu'il eut pour nous quelque froideur, qu'il est obligé à partir? Non pas, mais... À vue de pays, je connais à peu près le train des choses. Et sans qu'il m'ait encore rien dit, je gagerais presque que l'affaire va là. Je pourrais peut-être me tromper. Mais enfin, sur de tels sujets, l'expérience m'a pu donner quelques lumières. Quoi, ce départ si peu prévu serait une infidélité de Don Juan. Il pourrait faire cette injure au chaste feu de Dame Elvire. Non! C'est qu'il est jeune encore et qu'il n'a pas le courage... Un homme de sa qualité ferait une action si lâche. Eh oui, sa qualité. La raison en est belle et c'est par là qu'il s'empêcherait des choses. Mais les saints nœuds du mariage le tiennent engagé. Mon pauvre Gusman. Mon ami, tu ne sais pas encore, crois-moi, quel homme est Don Juan. Je ne sais pas de vrai quel homme il peut être s'il faut qu'il nous ait fait cette perfidie. Je ne comprends point comme après tant d'amour et d'impatience témoignée, tant d'hommages pressants, de vœux, de soupirs et de larmes, tant de lettres passionnées, de protestations ardentes et de serments réitérés, tant de transports enfin, et tant d'emportements qu'il a fait paraître jusqu'à forcer dans sa passion l'obstacle sacré d'un couvent pour mettre Don Elvire en sa puissance. Je ne comprends point, dis-je, comme après tout cela, il aurait le cœur de pouvoir manquer à sa parole. Je n'ai pas grand-peine à le comprendre, moi. Et si tu connaissais le pèlerin, tu trouverais la chose assez facile pour lui. Je ne dis pas qu'il ait changé de sentiment pour Don Elvire, je n'en ai point de certitude encore. Tu sais que par son ordre, je partis avant lui, et depuis son arrivée, il ne m'a point entretenu. Mais par précaution, je t'apprends, internos, que tu vois en Don Juan, mon maître, le plus grand scélérat que la terre ait jamais porté. Un enragé, un chien, un diable, un turc, un hérétique, qui ne croit ni ciel, ni saint, ni Dieu, ni loup-garou, qui passe cette vie en véritable bête brute, un pourceau d'Épicure, un vrai sardanapale qui ferme l'oreille à toutes les remontrances chrétiennes qu'on lui peut faire, et traite de bilvesé tout ce que nous croyons. Tu me dis qu'il a épousé ta maîtresse. Crois qu'il aurait plus fait pour sa passion, et qu'avec elle, il aurait encore épousé toi, son chien et son chat. Un mariage ne lui coûte rien à contracter. Il ne se sert point d'autre piège pour attraper les belles. Et c'est un épouseur à toute main. Dame, demoiselle, bourgeoise, paysanne, il ne trouve rien de trop chaud ni de trop froid pour lui. Et si je te disais le nombre de toutes celles qu'il a épousées en divers lieux, ce serait un chapitre à durer jusqu'au soir. Tu demeures surpris et changes de couleur à ce discours. Ce n'est là qu'une ébauche du personnage. Et pour achever le portrait, il faudrait bien d'autres coups de pinceau. Suffit qu'il faut que le courroux du ciel l'accable quelques jours. Qu'il me vaudrait mieux d'être au diable que d'être à lui. Et qu'il me fait voir tant d'horreurs que je souhaiterais qu'il fût déjà... je ne sais où. Mais... un grand seigneur, méchant homme, est une terrible chose. Il faut que je lui sois fidèle, en dépit que j'en ai. La crainte en moi fait l'office du zèle, bride mes sentiments et me réduit d'applaudir bien souvent à ce que mon âme déteste. Le voilà qui se vient promener dans ce palais, séparons-nous. Écoute-moi ! Je te fais cette confidence avec franchise et cela m'est sorti un peu bien vite de la bouche. Mais s'il fallait qu'il en vînt quelque chose à ses oreilles, je dirais hautement que tu aurais menti. Quel homme te parlait là? Il a bien l'air, ce me semble, du bon jugement de Don Elvire. C'est quelque chose aussi, à peu près de cela. Moi, c'est lui. Lui-même. Et depuis quand est-il dans cette ville? D'hier au soir. Quel jugé l'amène? Je crois que vous jugez assez ce qui le peut inquiéter. À son départ, sans doute. Le bonhomme en était tout mortifié et m'en demandait le et sujet. Et quelle réponse as-tu faite? Que vous ne m'en aviez rien dit. Mais encore, quelle est ta pensée là-dessus? Que t'imagines-tu de cette affaire? Moi, je crois, sans vous faire tort, que vous avez quelque nouvel amour en tête. Tu le crois? Oui, ma foi, tu ne te trompes pas. Et je dois t'avouer qu'un autre objet a chassé Elvire de ma pensée. Mais mon Dieu, je sais mon Don Juan sur le bout du doigt et connais votre cœur pour le plus grand coureur du monde. Il se plaît à se promener de liens en liens et n'aime guère à demeurer en place. Et ne trouves-tu pas, dis-moi, que j'ai raison d'en user de la sorte? Eh, monsieur... Quoi pas? Assurément que vous avez raison, puisque vous le voulez. On ne peut aller là contre. Mais si vous ne le vouliez pas, ce serait peut-être une autre affaire. Eh bien, je te donne la liberté de parler et de me dire tes sentiments. En ce cas, monsieur, je vous avouerai franchement que je n'approuve point du tout votre méthode. Et que je trouve fort vilain d'aimer de tous côtés comme vous faites. Moi, il est bon, joli, à demeurer au premier objet qui nous prend, qu'on renonce au monde pour lui et qu'on n'ait plus Dieu pour personne. La belle chose de vouloir se piquer d'un faux honneur d'être fidèle, de s'ensevelir pour toujours dans une passion et d'être mort dès sa jeunesse à toutes les autres beautés qui nous peuvent frapper les yeux. Non, non, la constance n'est bonne que pour des ridicules. Toutes les belles ont droit de nous charmer. Et l'avantage d'être rencontrée la première ne doit point dérober aux autres les justes prétentions qu'elles ont toutes sur nos cœurs. Pour moi, la beauté me ravit partout où je la trouve. Et je cède facilement à cette douce violence dont elle nous entraîne. J'ai beau être engagé, l'amour que j'ai pour une belle n'engage point mon âme à faire injustice aux autres. Je conserve des yeux pour voir le mérite de toutes et rends à chacune les hommages et les tributs où la nature nous oblige. Quoi qu'il en soit, je ne puis refuser mon cœur à tout ce que je vois d'aimable. Et dès qu'un beau visage me le demande, si j'en avais 10 000, je les donnerais tous. Les inclinations naissantes, après tout, ont des charmes inexplicables. Et tout le plaisir de l'amour est dans le changement. On goûte une douceur extrême à réduire par cent hommages le cœur d'une jeune beauté, à voir de jour en jour les petits progrès qu'on y fait, à combattre par des transports, par des larmes et des soupirs, l'innocente pudeur d'une âme qui a peine à rendre les armes, à forcer pied à pied toutes les petites résistances qu'elle nous oppose, à vaincre les scrupules dont elle se fait un honneur, et l'amener doucement où nous avons envie de la faire venir. Mais quand on en est maître une fois, il n'y a plus rien à dire, ni rien à souhaiter. Tout le beau de la passion est fini. Et nous nous endormons dans la tranquillité d'un tel amour. Si quelque objet nouveau ne vient réveiller nos désirs et présenter à notre cœur les charmes attrayants d'une conquête à faire. Enfin, il n'est rien de si doux que de triompher de la résistance d'une belle personne. Et j'ai, sur ce sujet, l'ambition des conquérants qui volent perpétuellement de victoire en victoire et ne peuvent se résoudre à borner leurs souhaits. Il n'est rien qui puisse arrêter l'impétuosité de mes désirs. Je me sens un cœur à aimer toute la terre. Et comme Alexandre, je souhaiterais qu'il y eût d'autres mondes pour y pouvoir étendre mes conquêtes amoureuses. Ma foi, monsieur, j'ai toujours ouï dire que c'est une méchante raillerie que de se railler du ciel. Et que les libertins ne font jamais une bonne fin. Voilà, maître Sceaux. Vous savez que je vous ai dit que je n'aime point les faiseurs de remontrance. Et je ne parle pas aussi à vous. Dieu m'en garde. Vous savez ce que vous faites, vous. Et si vous ne croyez rien, vous avez vos raisons. Mais il y a dans le monde certains petits impertinents qui sont libertins sans savoir pourquoi. Qui font les esprits forts parce qu'ils trouvent que cela leur sied bien. Et si j'avais un maître comme cela, je lui dirais fort nettement, le regardant en face. Osez-vous bien ainsi vous jouer au ciel? Et ne tremblez-vous point de vous moquer comme vous faites des choses les plus saintes? C'est bien à vous, petit ver de terre, petit myrmidon que vous êtes. Je parle au maître que j'ai dit. C'est bien à vous, à vouloir vous mêler de tourner en raillerie ce que tous les hommes rêvaient. Pensez-vous que pour être de qualité, pour avoir une perruque bien frisée, des plumes à votre chapeau, un habit bien doré et des rubans en couleur de feu, ce n'est pas à vous que je parle, c'est à l'autre. Pensez-vous, dis-je, que vous en soyez plus habile homme, que tout vous soit permis et qu'on ose vous dire vos vérités? Apprenez de moi qui suis votre valet. que le ciel punit tôt ou tard les impies, qu'une méchante vie amène une méchante mort, et que... Père. De quoi est-il question ? Il est question de te dire qu'une jeune beauté me tient au cœur, et qu'entraîné par ses appâts, je l'ai suivi jusqu'en cette ville. Et n'y craignez-vous point, monsieur, de la mort de ce commandeur que vous tuâtes il y a 6 mois ? Et pourquoi craindre ? Ne l'ai-je pas bien tué ? Fort bien, le mieux du monde, et il aurait tort de se plaindre. J'ai eu ma grâce de cette affaire. Oui, mais cette grâce n'éteint peut-être pas les ressentiments des parents et des amis. N'allons pas songer au mal qui nous peut arriver, mais songeons seulement à ce qui nous peut donner du plaisir. La personne dont je te parle est une jeune fiancée, la plus agréable du monde, qui a été conduite ici par celui-même qu'elle y vient épouser. Et le hasard me fit voir ce couple d'amants 3 ou 4 jours avant leur voyage. Jamais je n'ai vu 2 personnes être si contents l'un de l'autre et faire éclater plus d'amour. La tendresse visible de leurs mutuelles ardeurs me donna de l'émotion, j'en fus frappé au cœur, et mon amour commença par la jalousie. Oui, je ne pus supporter de les voir si bien ensemble. Le dépit alarma mes désirs, et je me figurai un plaisir extrême à troubler leur intelligence. Et rompre cet attachement, dont la délicatesse de mon cœur se tenait offensée. Mais jusqu'ici, mes efforts ont été inutiles. Et j'ai recours au dernier remède. Cet époux prétendu doit aujourd'hui régaler sa maîtresse d'une promenade sur mer. Sans en avoir rien dit, toutes choses sont préparées pour satisfaire mon amour et j'ai une barque et des gens. Avec quoi, fort facilement, je prétends enlever la belle. Ah, monsieur quoi? C'est fort bien fait à vous. Et vous le prenez comme il faut. Il n'est rien de tel en ce monde que de se contenter. Prépare-toi donc à venir avec moi et prends soin toi-même d'apporter toutes mes armes. Rencontre fâcheuse. Traître. Tu ne m'avais pas dit qu'elle était ici elle-même. Monsieur, vous ne me l'avez pas demandé. Est-elle folle de n'avoir pas changé d'habit ? Et de venir en ce lieu-ci avec son équipage de campagne. Me ferez-vous la grâce, don Juan, de vouloir bien me reconnaître? Et puis-je au moins espérer que vous daignez tourner le visage de ce côté? Madame, je vous avoue que je suis surpris et que je ne vous attendais pas ici. Oui. Je vois bien que vous ne m'y attendiez pas. Et vous êtes surpris à la vérité. Mais tout autrement que je ne l'espérais. Et la manière dont vous le paraissez me persuade pleinement ce que je refusais de croire. J'admire ma simplicité et la faiblesse de mon cœur. À douter d'une trahison que tant d'apparences me confirmaient. J'ai été assez bonne, je le confesse. Ou plutôt assez sotte, pour me vouloir tromper moi-même et travailler à démentir mes yeux et mon jugement. J'ai cherché des raisons pour excuser à ma tendresse le relâchement d'amitié qu'elle voyait en vous. Et je me suis forgée exprès, sans sujet légitime d'un départ si précipité pour vous justifier du crime dont ma raison vous accusait. Mes justes soupçons chaque jour avez-vous me parlé. J'en rejetais la voix qui vous rendait criminel à mes yeux et j'écoutais avec plaisir 1000 chimères ridicules qui vous peignaient innocent à mon cœur. Mais enfin, cet abord ne me permet plus de douter. Et le coup d'œil qui m'a reçu m'apprend bien plus de choses que je ne voudrais en savoir. Je serais bien aise pourtant d'ouïr de votre bouche les raisons de votre départ. Parlez, don Juan, je vous prie. Et voyons de quel air vous saurez vous justifier. Madame, voilà ce général qui sait pourquoi je suis parti. Moi, monsieur, je ne sais rien, s'il vous plaît. Eh bien, ce général, parlez, n'importe de quelle bouche j'entends ses raisons. Allons, veux-tu parler à madame? Que voulez-vous que je dise? Approchez, puisqu'on le veut ainsi, et me dites un peu les causes d'un départ si prompt. Tu ne répondras pas. Je n'ai rien à répondre. Vous vous moquez de votre serviteur. Tu réponds, je te dis. Madame. Quoi? Monsieur, j'ai dit madame. Les conquérants, Alexandre et les autres mondes sont cause de notre départ. Monsieur, voilà tout ce que je puis dire. Vous plaît-il donc joint nous éclaircir ces beaux mystères? Madame, à vous dire la vérité. Ah, je... que vous savez mal vous défendre pour un homme de cour. Et qui doit être accoutumé à ces sortes de choses. J'ai pitié de vous voir la confusion que vous avez. Que ne vous armez-vous le front d'une noble effronterie? Que ne me jurez-vous que vous êtes toujours dans les mêmes sentiments pour moi? Que vous m'aimez toujours avec une ardeur sans égale? Et que rien n'est capable de vous détacher de moi que la mort? Que ne me dites-vous que des affaires de la dernière conséquence vous ont obligé à partir sans m'en donner avis, qu'il faut que malgré vous, vous demeuriez ici quelque temps, et que je n'ai qu'à m'en retourner d'où je viens, assuré que vous suivrez mes pas le plus tôt qu'il vous sera possible, qu'il est certain que vous brûlez de me rejoindre et qu'éloigné de moi, vous souffrez ce que souffre un corps qui est séparé de son âme. Voilà comme il faut vous défendre et non pas être interdit comme vous êtes. Je vous avoue, madame, que je n'ai point le talent de dissimuler et que je porte un cœur sincère. Je ne vous dirai point que je suis toujours dans les mêmes sentiments pour vous et que je brûle de vous rejoindre, puisqu'enfin il est assuré que je ne suis parti que pour vous fuir, non pas pour les raisons que vous pouvez vous figurer, mais par un pur motif de conscience, et pour ne croire pas qu'avec vous davantage je puisse vivre sans péché. Il m'est venu des scrupules, madame, et j'ai ouvert les yeux de l'âme sur ce que je faisais. Et j'ai fait réflexion que pour vous épouser, je vous ai dérobé à la clôture d'un couvent, que vous avez rompu des vœux qui vous engageaient d'autre part et que le ciel... Et fort jaloux de ces sortes de choses. Le repentir m'a pris et j'ai craint le courroux céleste. J'ai cru que notre mariage n'était qu'un adultère déguisé, qu'il nous attirerait quelque disgrâce d'en haut, et qu'enfin, je devais tâcher de vous oublier et vous donner moyen de retourner à vos premières chaînes. Voudriez-vous, madame, vous opposer à une si sainte pensée que j'allasse, en vous retenant, me mettre le ciel sur les bras et... C'est maintenant que je te connais tout entier. Et pour mon malheur, je te connais lorsqu'il n'en est plus temps, et qu'une telle connaissance ne peut plus me servir qu'à me désespérer. Mais sache que ton crime ne demeurera pas impuni, et que ce même ciel dont tu te joues me sera vengé de ta perfidie. Général, le ciel. Vraiment, oui, nous nous moquons bien de cela, nous autres. Madame. Suffit, je ne veux pas jouir davantage. Je m'accuse même d'en avoir déjà trop entendu. C'est une lâcheté que de se faire trop expliquer sa honte. Et sur de tels sujets, un noble cœur au premier mot doit prendre son parti. N'attends pas que j'éclate ici en reproches et en injures. Non, non. Je n'ai point un courroux à exhaler en paroles vaines. Et toute sa chaleur se réserve pour sa vengeance. Je te le dis encore, le ciel te punira perfide de l'outrage que tu me fais. Et si le ciel n'a rien que tu puisses appréhender, appréhende du moins la colère d'une femme offensée. Si le remords le pouvait prendre... Allons songer à l'exécution de notre entreprise amoureuse. Oh, quel abominable maître suis-je obligé de servir? Mais l'équipée de Don Juan, à la poursuite de la belle fiancée, se termine par un naufrage. Don Juan et son valet sont sauvés de justesse par Pierrot, un jeune paysan. Pour toute reconnaissance, Don Juan lui vole sa fiancée. Ému par la saine et simple beauté de la fille, il la séduit par mille serments d'amour et lui promet le mariage. Mais quelques instants auparavant, une autre petite paysanne avait été le jouet de la même promesse. Voici, Donjon aux prises avec les deux amoureuses. Il s'en tire en jouant un petit ballet élégant et cynique. Mais il lui faut mettre un terme à ses amusements, car des hommes armés sont à sa recherche. Ce sont les frères d'Elvire qui veulent lui faire rendre raison de l'abandon de leur sœur. Don Juan doit donc fuir la ville, et il erre dans un bois avec Sganarel, déguisé en médecin. Ma foi, monsieur, avouez que j'ai eu raison, et que nous voilà l'un et l'autre déguisés à merveille. Votre premier dessein n'était pas du tout à propos, et ceci nous cache bien mieux que tout ce que vous vouliez faire. Il est vrai que te voilà bien, et je ne sais où tu as été déterré cet attirail ridicule. Oui. C'est l'habit d'un vieux médecin que j'ai emprunté. Et il m'en a coûté de l'argent pour l'avoir. Mais monsieur, savez-vous que cet habit me met déjà en considération? Que je suis salué des gens que je rencontre et que l'on me vient consulter ainsi qu'un habilable? Comment donc? 5 ou 6 paysans et paysannes, en me voyant passer, me sont venus demander mon avis sur différentes maladies. Et tu leur as répondu que tu n'y entendais rien? Moi? Point du tout. J'ai voulu soutenir l'honneur de mon habit. J'ai raisonné sur le mal et j'ai fait mes ordonnances à chacun. Et quels remèdes encore leur as-tu ordonné? Ma foi, monsieur, j'en ai pris par où j'en ai pu attraper. J'ai fait mes ordonnances à la vantée. Et ce serait une chose plaisante si les malades guérissaient et que l'on m'en vint remercier. Et pourquoi non? Par quelle raison n'aurais-tu pas les mêmes privilèges qu'ont tous les autres médecins? Ils n'ont pas plus de part que toi aux guérisons des malades. Et tous leurs rares et pures grimaces. Ils ne font rien que recevoir la gloire des heureux succès. Et tu peux profiter comme eux du bonheur du malade. Et voir attribuer à tes remèdes tout ce qui peut venir des faveurs du hasard et des farces de la nature. Comment, monsieur? Vous êtes aussi impie en médecine? C'est une des grandes erreurs qui soit parmi les hommes. Quoi, vous ne croyez pas au séné, ni à la casse, ni au vin émétique? Mais par quelle raison veux-tu que j'y croie? Vous avez l'âme bien mécréante. Cependant, voyez depuis un temps que le vin émétique fait bruire ses fuseaux. Ces miracles ont converti les plus incrédules esprits. Et il n'y a pas 3 semaines que j'en ai vu, moi qui vous parle, un effet merveilleux. Et quel? Il y avait un homme qui depuis 6 jours était à l'agonie. On ne savait plus que lui ordonner, et tous les remèdes ne faisaient rien. On s'avisa à la fin de lui donner de l'émétique. Et il en réchappa, n'est-ce pas? Non, il mourut. L'effet est admirable. Comment? Il y avait 6 jours entiers qu'il ne pouvait mourir. Et cela le fit mourir tout d'un coup. Voulez-vous rien de plus efficace? Tu as raison. Mais laissons là la médecine où vous ne croyez point. Et parlons des autres choses. Car cet habit me donne de l'esprit. Et je me sens en humeur de disputer contre vous. Vous savez que vous me permettez les disputes. Et que vous ne me défendez que les remontrances. Eh bien. Je voudrais savoir un peu vos pensées à fond. Est-il possible que vous ne croyez point du tout au ciel? Nous laissons cela. C'est-à-dire que non. Et à l'enfer. Tout de même. Et au diable, s'il vous plaît. Oui. Oui. Aussi peu. Oui, oui. Et ne croyez-vous point l'autre vie? Ah, voilà un homme que j'aurais bien de la peine à convertir. Et dites-moi un peu, le moine bourru, qu'en croyez-vous? La paix, ce soit du fat. Et voilà ce que je ne puis souffrir. car il n'est rien de plus vrai que le moine bourru. Et je me ferai pendre pour celui-là. Mais encore faut-il croire quelque chose dans le monde. Qu'est-ce donc que vous croyez ? Ce que je crois. Oui. Je crois que 2 et 2 sont 4, Sganarel, et 4 et 4 sont 8. La belle croyance. Et les beaux articles de foi que voilà. Votre religion, à ce que je vois, est donc l'arithmétique. Ah, il faut avouer qu'il se met parfois d'étranges folies dans la tête des hommes. Et que pour avoir bien étudié, on est bien moins sage, le plus souvent. Pour moi, monsieur, je n'ai point étudié comme vous. Dieu merci. Et personne ne saurait se vanter de m'avoir jamais rien appris. Mais avec mon petit sens, mon petit jugement, je vois les choses mieux que tous les livres. Et je comprends fort bien que ce monde que nous voyons n'est pas un champignon qui soit venu tout seul en une nuit. Je voudrais bien vous demander qui a fait ces arbres-là, ces rochers, cette terre et ce ciel que voilà là-haut. Et si tout cela s'est bâti de lui-même. Vous voilà, vous par exemple, vous êtes là. Est-ce que vous vous êtes fait tout seul? Et n'a-t-il pas fallu que votre père ait engrossé votre mère pour vous faire? Pouvez-vous voir les inventions dont la machine de l'homme est composée sans admirer de quelle façon tout cela est agencé l'un dans l'autre? Ses nerfs, ses os, ses artères, ses veines, ce poumon, ce cœur, ce foie et tous ces autres ingrédients qui sont là et... Oh, dame, interrompez-moi! Je ne saurais disputer si l'on ne m'interrompt. Vous vous taisez exprès et me laissez parler par belle malice. J'attends que ton raisonnement soit fini. Mon raisonnement est qu'il y a quelque chose d'admirable dans l'homme, quoi que vous puissiez dire, mais que tous les savants ne sauraient expliquer. Mais n'est-ce pas merveilleux? Que me voilà ici, et que j'ai quelque chose dans la tête qui pense 100 choses à la fois en un moment et qui fait de mon cœur tout ce qu'elle veut. Je veux frapper des mains, hausser le bras, baisser la tête, lever les yeux au ciel, remuer les pieds, aller à droite, à gauche, en avant, en arrière, tourner. Qui a le nez cassé. Ma foi, je suis bien sot de m'amuser à raisonner avec vous. Croyez ce que vous voudrez. Il m'importe peu que vous soyez damné. En raisonnant, je crois que nous nous sommes égarés. Appelle un bonhomme que voilà là-bas pour lui demander le chemin. Voilà, oh, l'homme. Oh, mon compère. Devez vous tenir sur vos gardes et que depuis quelque temps, il y a des voleurs ici autour. Je te suis bien obligé, mon ami, et je te rends grâce de tout mon cœur. Si vous vouliez, monsieur, me secourir de quelque aune. Ton avis est intéressé à ce que je vois. Je suis un pauvre homme, monsieur, retiré tout seul dans ce bois depuis 10 ans, et je ne manquerai pas de prier le ciel qu'il vous donne toutes sortes de biens. Prions le ciel qu'il te donne un avis sans te mettre en peine des affaires des autres. Vous ne connaissez pas, monsieur bonhomme. Il ne croit qu'en 2 et 2 sont 4 et en 4 et 4 sont 8. Quelle est ton occupation parmi ces arbres? De prier le ciel tout le jour. Pour la prospérité des gens de bien qui me donnent quelque chose. Ne te peux donc pas que tu ne sois bien à ton aise. Hélas, monsieur, je suis dans la plus grande nécessité du monde. Tu te moques. Un homme qui prie le ciel tout le jour ne peut pas manquer d'être bien dans ses affaires. Je vous assure, monsieur, que le plus souvent, je n'ai pas un morceau de pain à mettre sous les dents. Voilà qui est étrange, et tu es bien mal reconnu de tes soins. Je m'en vais te donner un louis d'or, tout à l'heure. Pourvu que tu veuilles jurer. Oh, monsieur, voudriez-vous que je commisse un tel péché? Tu n'as qu'à voir si tu veux gagner un louis d'or ou non. Tiens, en voici un que je te donne, si tu jures. Il faut jurer. Monsieur... À moins de cela, tu ne l'auras pas. Va, va, jure un peu, il n'y a pas de mal. Tiens, le voici, prends. Prends, te dis-je. Me jure donc. Non, monsieur. J'aime mieux mourir de faim. Va, va. Je te le donne. Pour l'amour de l'humanité. À peine le pauvre s'en est-il allé que Don Juan, apercevant un gentilhomme attaqué par trois malandrins, vole à son secours et le sauve d'une mort certaine. Cet homme n'est autre que le frère d'Elvire, Don Carlos, qui poursuit Don Juan pour venger l'honneur de sa sœur. Survient un autre frère d'Elvire, Don Alonso, accompagné de Spadassin. Il veut profiter de l'avantage du nombre pour attaquer Don Juan. Carlos noblement s'y oppose. Le duel est différé et les gentilshommes laissent le champ libre à Don Juan. Scannarel. Scannarel. Voilà! Oh! Général! Plaît-il? Comment, coquin, tu fuis quand on m'attaque? Pardonnez-moi, monsieur. Je viens seulement d'ici près. Je crois que cet habit est purgatif et que c'est prendre médecine que de le porter. Pêche sur l'insolent. Couvre-moi ta poltronnerie d'un voile plus honnête. Sais-tu bien qui est celui à qui j'ai sauvé la vie? Moi, non. C'est un frère d'Elvire. Hein? Oui, il est assez honnête homme. Il en a bien usé et j'ai regret d'avoir démêlé avec lui. Il vous serait aisé de pacifier toute chose. Oui, mais ma passion est usée pour donner à Elvire et l'engagement ne compatit point avec mon humeur. J'aime la liberté en amour. Je te l'ai dit 20 fois, j'ai eu une pente naturelle à me laisser aller à tout ce qui m'attire. Mon cœur est à toutes les belles. C'est à elle à le prendre tour à tour et à le conserver. Donc, quel est le cours? Mais quel est le superbe édifice que je vois là? Vous ne le savez pas? Non, vraiment. Bon, c'est le tombeau que faisait faire le commandeur lorsque vous le tuâtes. Oh, c'est vrai. Je ne savais pas que c'était de ce côté-ci qu'il était. Tout le monde m'a dit des merveilles de cet ouvrage ainsi que de la statue du commandeur. Et j'ai envie de l'aller voir. Monsieur, n'allez point là. Pourquoi? Mais cela n'est pas civil d'aller voir un homme que vous avez tué. Au contraire, c'est une visite dont je lui veux faire civilité et qu'il doit recevoir de bonne grâce s'il est galant homme. Allons. Entrons dedans. Que tout cela est beau. Les beaux mâts. Les beaux piliers. Les belles statues. Oh, que tout cela est beau. Qu'en dites-vous, monsieur? On ne serait allé voir plus loin l'ambition de l'homme mort. Et ce que je trouve admirable, C'est qu'un homme qui s'est passé durant sa vie d'une assez simple demeure, on va y avoir une si magnifique quand il n'en a plus que faire. Voici le statut du commandeur. Le voilà bon avec son habit d'empereur romain. Ma foi, monsieur, voilà qui est bien fait. Il semble qu'il est en vie et qu'il s'en va parler. Il jette des regards sur nous qui me feraient peur si j'étais tout seul. Il aurait tort. Oui, ce serait bien mal recevoir l'honneur que je lui fais. Demande-lui s'il va venir souper avec moi. C'est une chose dont il n'a pas besoin, je crois. Demande-le lui, te dis. Vous vous moquez? Ce serait être fou que d'aller parler à une statue. Fais ce que je te dis. Quelle bizarrerie! Seigneur, comment on fait? Je ris de ma sottise, mais c'est mon maître qui me l'a fait faire. Seigneur, comment on fait? Mon maître, t'en jure, vous demande, si vous voulez lui faire l'honneur, de venir souper avec lui. Eh bien, qu'est-ce? Qu'as-tu? Mais veux-tu parler? La statue! Eh bien, que veux-tu dire, traître? Je vous dis que la statue... La statue? C'est ta chambre si tu ne parles. La statue m'a fait signe. Le coquin. Elle m'a fait signe, vous dis. Il n'est rien de plus vrai. Allez-vous-en lui parler vous-même pour voir, peut-être. Viens, Marot, viens! Je te veux faire toucher au doigt toi-même ta poltronnerie. Et prends garde! Le seigneur commandeur, va-t-il me faire l'honneur de souper avec moi? Je n'en tiendrai pas des pistoles. Ah! Eh bien, monsieur. Allons. Sortons d'ici. Voilà de mes esprits forts qui ne veulent rien croire. Don Juan est revenu chez lui. Il s'apprête à souper. Il s'est débarrassé avec virtuosité de Monsieur Dimanche, son créancier, quand un valet annonce Don Luis, son père. Monsieur, voilà monsieur votre père. Bon, me voilà bien. Il me fallait cette visite pour me faire enrager. Je vois bien que je vous embarrasse et que vous vous passeriez fort aisément de ma venue. À dire vrai, nous nous importunons étrangement l'un et l'autre. Et si vous êtes là de me voir, je suis bien là aussi de vos déportements. Hélas, que nous savons peu ce que nous faisons quand nous ne laissons pas au ciel le soin des choses qu'il nous faut. Quand nous voulons être plus avisés que lui et que nous venons à l'importuner de nos souhaits aveugles et de nos demandes inconsidérées. J'ai souhaité un fils avec des ardeurs non pareilles. Je l'ai demandé sans relâche avec des transports incroyables. Et ce fils que j'obtiens en fatiguant le ciel de vœux est le chagrin et le supplice de cette vie même dont je croyais qu'il devait être la joie et la consolation. De quel œil, à votre avis, pensez-vous que je puisse voir cet amas d'actions indignes dont on a peine aux yeux du monde d'adoucir le mauvais visage? Cette suite continuelle de méchantes affaires qui nous réduisent à toute heure à lâcher les bontés du souverain et qui ont épuisé auprès de lui le mérite de mes services et le crédit de mes amis. Quelle bassesse est la vôtre? Ne rougissez-vous point de mériter si peu votre naissance? Êtes-vous en droit, dites-moi, d'en tirer quelque vanité? Et qu'avez-vous fait dans le monde pour être gentilhomme? Pensez-vous qu'il suffise d'emporter le nom et les armes, et que ce nous soit une gloire d'être sortis d'un sang noble lorsque nous vivons en infâme? Non. Non, la naissance n'est rien! Où la vertu n'est pas. Aussi, nous n'avons part à la gloire de nos ancêtres qu'autant que nous nous efforçons de leur ressembler. Et cet éclat de leurs actions qu'ils répandent sur nous nous impose un engagement de leur faire le même honneur, de suivre les pas qu'ils nous tracent, et de ne point dégénérer de leur vertu si nous voulons être estimés leurs véritables descendants. Ainsi, vous descendez en vain des aïeux dont vous êtes nés. Ils vous désavouent pour leur sang. Et tout ce qu'ils ont fait d'illustre ne vous donne aucun avantage. Au contraire, l'éclat n'en rejaillit sur vous qu'à votre déshonneur. Et leur gloire est un flambeau qui éclaire aux yeux d'un chacun la honte de vos actions. Apprenez enfin qu'un gentilhomme qui vit mal est un monstre dans la nature. Je regarde moins aux noms qu'on signe qu'aux actions qu'on fait. Et que je ferai plus d'état du fils d'un crocheteur qui serait honnête homme que du fils d'un monarque qui vivrait comme vous. Monsieur, si vous étiez assis, vous en seriez mieux pour parler. Insolent. Non, je ne veux point m'asseoir, ni parler davantage. Je vois bien que toutes mes paroles ne font rien sur ton âme. Mais sache, fils indigne, que la tendresse paternelle est poussée à bout par tes actions, que je saurai, plutôt que tu ne penses, mettre une borne à tes désagréments. Prévenir sur toi le courroux du ciel, et laver par ta punition la honte de t'avoir fait naître. Et mourrez le plus tôt que vous pourrez. C'est le mieux que vous puissiez faire. Il faut que chacun ait son tour, et j'enrage de voir des pères qui vivent autant que leurs fils. Ah, monsieur, vous avez tort! J'ai tort. Mais monsieur... J'ai tort! Oui, monsieur, vous avez tort d'avoir souffert ce qu'il vous a dit. Et vous le deviez mettre dehors par les épaules. A-t-on jamais rien vu de plus impertinent? Un père venir faire des remontrances à son fils et lui dire de corriger ses actions, de se ressouvenir de sa naissance, de mener une vie d'honnête homme, et sans toute sottise de pareille nature. Cela se peut-il souffrir à un homme comme vous, qui savez comme il faut vivre? J'admire votre patience, et si j'avais été en votre place, je l'aurais envoyé promener. Oh, complaisance maudite, à quoi me réduis-tu? Me fera-t-on souper bientôt? Monsieur, il y a là une dame voilée qui veut vous parler. Que pourrais-je être? Il faut voir. C'est Elvire qui, renonçant à la vengeance et à l'amour même, vient une dernière fois, avant de retourner à son couvent, rendre visite à Don Juan pour le supplier de songer à son salut. À peine Elvire est-elle partie que la statue du commandeur, répondant à l'invitation qui lui a été faite, vient souper. Don Juan, impassible, boit à sa santé. Le commandeur, à son tour, invite Don Juan pour le lendemain. Et Don Juan accepte. Puis, accompagné de Scannarelle, il se rend chez son père. Quoi, mon fils? Serait-il possible que la bonté du ciel eût exaucé mes vœux? Ce que vous me dites est-il bien vrai? Ne m'abusez-vous point d'un faux espoir? Et puis-je prendre quelque assurance sur la nouveauté surprenante d'une telle conversion? Oui. Vous me voyez revenu de toutes mes erreurs. Je ne suis plus le même d'hier au soir. Et le ciel, tout d'un coup, a fait en moi un changement qui va surprendre tout le monde. Il a touché mon âme et dessillé mes yeux. Et je regarde avec horreur le long aveuglement où j'ai été. Et les désordres criminels de la vie que j'ai menée. J'en repasse dans mon esprit toutes les abominations. Et m'étonne que le ciel les ait pu souffrir si longtemps et n'ait pas 20 fois sur ma tête laissé tomber les coups de sa justice redoutable. Je vois les grâces que sa bonté m'a faites en ne me punissant point de mes crimes. Et je prétends en profiter comme je dois faire éclater aux yeux du monde un soudain changement de vie. Réparer par là le scandale de mes actions passées et m'efforcer d'en obtenir du ciel une pleine rémission. C'est à quoi je vais travailler. Et je vous prie, monsieur, de vouloir bien contribuer à ce dessein et de m'aider vous-même à faire choix d'une personne qui me serve de guide et sous la conduite de qui je puisse marcher sûrement dans le chemin où je m'en vais entrer. Mon fils. Voilà, que la tendresse d'un père est aisément rappelée et que les offenses d'un fils s'évanouissent vite au moindre mot de repentir. Je ne me souviens plus déjà de tous les déplaisirs que vous m'avez donnés. Et tout est effacé par les paroles que vous venez de me faire entendre. Je ne me sens pas, je l'avoue. Je jette des larmes de joie. Tous mes vœux sont exaucés. Je n'ai plus rien désormais à demander au ciel. Embrassez-moi, mon fils. Et persistez, je vous conjure, dans cette louable pensée. Pour moi, je m'en vais tout de ce pas porter l'heureuse nouvelle à votre mère, partager avec elle les doux transports où je suis, et rendre grâce au ciel des saintes résolutions qu'il a daigné vous inspirer. Ah, monsieur, que j'ai de joie de vous voir enfin converti. Il y a longtemps que j'attendais cela, et voilà, grâce au ciel, tous mes souhaits accomplis. La peste est le bonnet. Comment le bonnet? Quoi, tu prends pour de bon argent ce que je viens de dire? Et tu crois que ma bouche était d'accord avec mon cœur? Quoi, ce n'est pas... Vous ne... Votre... Oh, quel homme! Quel homme! Quel homme! Non, je ne suis point changé, mes sentiments sont toujours les mêmes. Quoi, vous ne vous rendez pas à la surprenante merveille de cette statue mouvante et parlante? Il y a quelque chose là-dedans que je ne comprends pas. Mais quoi que ce puisse être, Cela n'est pas capable ni de convaincre mon esprit, ni d'ébranler mon âme. Et si j'ai dit que je voulais me jeter dans un train de vie exemplaire, c'est un dessein que j'ai formé par pure politique. Un stratagème utile, une grimace nécessaire où je veux me contraindre pour ménager un père dont j'ai besoin. Il me met à couvert du côté des hommes de 100 fâcheuses aventures qui pourraient m'arriver. Je veux bien, Sganarelle, t'en faire confidence, et je suis bien aise d'avoir un témoin du fond de mon âme et des véritables motifs qui m'obligent à faire les choses. Quoi, vous ne croyez rien du tout? Et cependant, vous voulez vous ériger en homme de bien? Pourquoi non? Il y a tant d'hommes comme moi qui se mêlent de ce métier et qui se servent du même masque pour abuser le monde. Quel homme! Quel homme! Quel homme! Il n'y a plus de honte maintenant à cela. L'hypocrisie est un vice à la mode. Et tous les vices à la mode passent pour vertu. Le personnage d'homme de bien est le meilleur de tous les personnages qu'on puisse jouer. Et la profession d'hypocrite a de merveilleux avantages. C'est un art de qui l'imposture est toujours respectée. Et quoi qu'on la découvre, on n'ose rien dire contre elle. Tous les autres vices des hommes sont exposés à la censure et chacun a la liberté de les attaquer hautement. Mais l'hypocrisie est un vice privilégié qui de sa main ferme la bouche à tout le monde et jouit en repos d'une impunité souveraine. On lit à force de grimaces une société étroite avec tous les gens du parti qui en choque un, se les met tous sur les bras. Combien crois-tu que j'en connaisse qui, par ce stratagème, ont rhabillé adroitement tous les désordres de leur jeunesse, qui se font un bouclier du manteau de la religion et, sous cet habit respecté, ont la permission d'être les plus méchants hommes du monde? On a beau savoir leurs intrigues et les connaître pour ce qu'ils sont, ils ne laissent pas pour cela d'être en crédit parmi les gens. Et quelques baissements de tête, un soupir mortifié, deux roulements d'yeux. Rajustent dans le monde tout ce qu'ils peuvent faire. C'est sous cet abri favorable que je veux me cacher et mettre en sûreté mes affaires. Oh, je ne quitterai point mes douces habitudes, mais j'aurai soin de me cacher et me divertirai à petit bruit. Que si je viens à être découvert, je verrai son me remuer, prendre mes intérêts à toute la cabale, mais je serai défendu par elle envers et contre tous enfin. C'est là le vrai moyen de faire impunément tout ce que je voudrais. Je m'érigerai en censeur des actions d'autrui, jugerai mal de tout le monde et n'aurai bonne opinion que de moi. Dès qu'une fois on m'aura choqué contre un peu, je ne pardonnerai jamais et garderai tout doucement une haine irréconciliable. Je serai le vengeur des intérêts du ciel. Et sous ce prétexte commode, je pousserai mes ennemis, je les accuserai d'impiété et serai déchaîné contre eux des élus indiscrets qui, sans connaissance de cause, crieront en public contre eux, qui les accableront d'injures et les damneront hautement de leur autorité privée. C'est ainsi qu'il faut profiter des faiblesses des hommes et qu'un sage esprit s'accommode au vice de son siècle. Oh, ciel! Qu'entends-je ici? Il ne vous manquait plus que d'être hypocrite pour vous achever de tout point. Et voilà le comble des abominations. Monsieur, cette dernière-ci m'emporte. Et je ne puis m'empêcher de parler. Faites-moi ce qu'il vous plaira. Battez-moi. Assommez-moi de coups. Tuez-moi si vous le voulez. Il faut que je débonde mon cœur et qu'en valet fidèle, je vous dise ce que je dois. Sachez, monsieur, que tant va la cruche à l'eau qu'enfin elle se brise. Et comme dit fort bien cet auteur que je ne connais pas, l'homme est en ce monde, ainsi que l'oiseau sur la branche. La branche est rattaché à l'arbre qui s'attache à l'arbre. Suis les bons préceptes. Les bons préceptes valent mieux que les belles paroles. Les belles paroles se trouvent à la cour. À la cour se trouvent les courtisans. Les courtisans suivent la mode. La mode vient de la fantaisie. La fantaisie est une faculté de l'âme. L'âme

Rien ne garde l'intérêt de la terreur. Et je vous ai prouvé avec mon épée. Si c'est encore mon esprit. Non, monsieur, rendez-vous à temps de preuve et jetez-vous vite dans leur pantin. Ça va aller quoi qu'il a dire. Que je sois capable de me repentir. Allons, suis-moi. Arrêtez, Don Juan. Vous m'avez, hier, donné parole de venir manger avec moi. Oui. Où faut-il aller? Donnez-moi la main. La voilà. Don Juan, l'endurcissement au péché traîne une mort funeste, et les grâces du ciel que l'on renvoie ouvrent un chemin à sa foudre. Passe. Au ciel, que songe. Un feu invisible me brûle. Et tout mon corps devait être un brasier d'âme. Mes gages. Mes gages. Voilà par sa mort un chacun satisfait. Ciel offensé, loi violée, fille séduite, famille déshonorée, parents outragés, femmes mises à mal, maris poussés à bout. Tout le monde est content. Il n'y a que moi seul de malheureux. Thank you. Ce qui est intéressant pour nous, ce sera justement de voir ce que Molière a pu faire de ce Don Juan qui recevait de la tradition, mais auquel il a apporté beaucoup de lui-même. Mais alors, il y a évidemment, à partir de ces notions d'histoire littéraire, deux observations à faire, et qui sont l'une et l'autre curieuses. La première, c'est que Don Juan apparaît donc comme une pièce de circonstance que Molière a dû écrire hâtivement. Or, aujourd'hui, lorsque nous sortons d'une représentation de Don Juan, nous sommes étonnés par la valeur de la pièce, par sa construction et par l'équilibre de chacune de ses parties. Une pièce aussi diverse, à la fois du point de vue dramatique et du point de vue comique, à la fois du point de vue de son unité philosophique et en même temps de son aspect déconcertant, tout cela est tellement bien mêlé que l'on a l'impression d'une œuvre parfaitement méditée, longuement pensée et achevée. Deuxièmement, Molière a écrit Don Juan parce qu'il était en difficulté avec une fraction importante de l'opinion, avec les faux dévots. Il abandonne Tartuffe et cependant, il donne une pièce qui doit nourrir son théâtre et une pièce qui a en elle un potentiel de dynamite encore plus fort, je crois, que son Tartuffe. Paul-Louis Mignon. En fait, il y avait une image toute faite à l'époque de Don Juan. Le succès même de la pièce italienne, mais le succès de la pièce de De Villiers qui avait été jouée à l'hôtel de Bourgogne, celle de Dorimont auparavant, faisait que nous avions, je pense, avec Don Juan, une sorte de mystère dramatique du XVIIe siècle, et que l'on savait parfaitement que Don Juan serait puni à la fin, qu'il y avait donc une moralité de Don Juan. Et je pense que par là, Molière s'inscrivait dans une tradition et que les spectateurs pouvaient ne pas être effrayés à l'avance. Oui, mais il a fait autre chose. Je crois quand même que le personnage de Don Juan, tel qu'il nous est présenté par Molière, est quand même bien autre chose que le personnage traditionnel de Don Juan. Et qu'en particulier, le personnage traditionnel de Don Juan, c'est surtout le séducteur. Oui, mais que Don Juan soit un séducteur, c'est une chose. Mais il arrive à séduire le spectateur, il est séduisant comme le diable, et c'est bien là où est le problème. Alors, qui est Don Juan ? André Lagarde. Il n'empêche que nous n'assistons pas vraiment à une scène de séduction dans cette pièce consacrée à Don Juan. Oui, il y en a une. Oui, mais est-ce vraiment une scène de séduction? J'ai l'impression que c'est une sorte de ballet, plutôt. Je crois. C'est en tout cas à cela que nous avons assisté, et il me semble que vous étiez dans la note juste. Je suis d'accord avec vous quand vous dites que dans cette pièce qui a comme principal personnage Don Juan, il n'y a pour ainsi dire pas de scène de séduction. Je ne faisais que relever simplement le fait qu'il y a la scène avec Charlotte et que ce séducteur ne séduit pas si aisément puisqu'il est obligé d'aller jusqu'à sa dernière arme, c'est-à-dire proposer le mariage à cette paysanne. Il emploie tous les moyens, il ne vint pas cette fille qui n'est pas qu'une paysanne mais qui est une fille de Molière, et il doit aller jusqu'au mariage. Et je suis donc d'accord avec vous en disant que finalement ce séducteur ne séduit pas avec tellement de facilité par lui-même. Oui, sa dernière arme. J'ai presque l'impression que c'est sa première arme. Oui, enfin, il faut que tout de suite les choses marchent rondement. Donc, si la demoiselle demande, il sait très bien que c'est un argument majeur, il lui promet le mariage. Je veux dire, par là, c'est que par lui-même, il n'a pas cette aisance qu'on pourrait imaginer chez un Don Juan qui, en ne promettant rien à une femme, obtient ce qu'il demande d'elle. Oui, oui. Je crois que c'est ce qui nous montrerait que ça n'était pas le vrai sujet pour Molière. Je suis heureux de vous l'entendre dire parce que, hélas, c'est ce que certains chroniqueurs ont cru retrouver dans l'œuvre et dans l'interprétation du personnage. Moi-même, en tant qu'acteur, c'est ce que je craignais parce que je sais très bien que mon emploi n'est pas celui de séducteur et que si Don Juan de Molière avait été le séducteur type vis-à-vis des femmes, je n'aurais pas joué ce rôle-là. Si j'ose dire, Roméo l'est beaucoup plus que lui. Mais Don Juan n'est pas le séducteur des corps, c'est le séducteur des âmes. C'est par là qu'il est évidemment encore beaucoup plus dangereux. Il est séducteur parce que c'est un homme qui va jusqu'au bout de ce qu'il veut faire, que ce soit une femme ou que ce soit les choses de la société. S'il les attaque, et tout homme qui attaque franchement est toujours un séducteur. Je crois que Don Juan est un être sérieux, et pour employer un terme tout à fait moderne, mais je crois que si nous commentons de cette façon le drame de Don Juan, c'est que Don Juan a pris une actualité de nos jours. Je pense que Don Juan est un personnage engagé, c'est-à-dire qui s'engage dans ses scènes de séduction, dans ses scènes de conquête et dans toutes ses révoltes. Je crois que c'est un homme révolté, et s'il a justement une actualité aujourd'hui, c'est que certains peuvent penser qu'il y a une absurdité de ce monde. Il découvre justement sa liberté dans sa révolte. Mais enfin, c'est tout un jargon que j'aborde, mais qui est proprement moderne. Et je l'indique sans référence directe à Molière, moi, pour montrer cette frange de déformation du personnage par un spectateur de 1956. Oui, mais alors le problème de ce monde était-il engagé au XVIIe siècle ? Je crois que engagé, le mot est à éviter, parce que il semble qu'au contraire, ce soit un malheureux et un solitaire qui est poursuivi par son propre malheur, qui, justement, ne trouve pas sa liberté du tout. Je ne crois pas que Don Juan ait le sens du malheur. Solitaire, il ne s'aperçoit même pas, et je crois qu'au fond, il s'en moque totalement. Mais s'il s'en moque, c'est parce Jean-Michel Becbédère. S'il se moque de son malheur, c'est parce qu'il l'est, précisément. Il essaye de se divertir, en quelque sorte, mais il y arrive difficilement. Je crois que vous ne faites pas une différence entre un solitaire, ce que vous dites qu'est Don Juan, et un homme qui ne veut pas s'attacher à quoi que ce soit, ce qu'est le Don Juan de Molière. C'est-à-dire, il ne veut pas s'attacher même à une femme, fût-elle la plus belle et la plus douce qui lui plairait le plus. Une fois, et c'est tout. C'est peut-être un homme seul, ça n'est pas un solitaire. Un isolé. Je crois cependant que c'est pour cela justement que le mot engagement n'est pas bon. Parce que Don Juan, c'est un homme qui avant tout cherche à se dégager. Et s'il est engagé, effectivement, il cherche à chaque moment à se tirer du monde qu'il l'engage. Mais ça finit par être un engagement par rapport à lui-même, je veux dire profondément. Je veux dire qu'il va jusqu'au bout de son action. Oui. Il ne recule jamais. Il y a cette tentative par l'hypocrisie, mais alors là, nous revenons peut-être aux circonstances particulières de création de Don Juan après l'interdiction de Tartuffe, où soudain Don Juan fait le Tartuffe dans la pièce de Don Juan. Mais je pense qu'il choisit jusqu'au bout et très calmement de saisir la main du commandeur. Je crois que l'esprit antireligieux était aussi fort au XVIIe, peut-être même plus qu'au XVIIIe. Monsieur Rougeon, qui a écrit un livre très important sur Louis XIV, cite un exemple concernant la vie intime de Conti ou de Condé, enfin je ne sais plus lequel, en tout cas des princes du sang et de la famille des Condé Conti. On apporte à ce prince un morceau dit de la vraie croix, il est devant sa cheminée, il regarde le morceau de la vraie croix, il le jette dans le feu en disant « pour voir ». C'est Don Juan mettant sa main dans la main du commandant. Oui, il y a tout un courant libertin au XVIIe siècle. D'esprit fort. C'est certain, d'esprit fort. D'ailleurs, toute l'entreprise de Pascal révèle bien qu'il y avait des adversaires. Oui. Il y a du Pascal dans Don Juan. Le problème se pose de savoir si Molière a voulu déconcerter son public, masquer un certain nombre de thèses, et s'il a voulu faire autre chose qu'un personnage de théâtre et qu'une pièce de théâtre. Paul-Louis Mignon. Je crois qu'il y a le fait important de l'actualité de 1665. Molière a écrit pour différentes raisons, dans différentes conditions, sa pièce. Sa pièce a été aussitôt le plus grand succès qu'ait connu une pièce de Molière en son temps. Au bout de 15 ou 20 représentations, elle a été interdite. On n'est jamais revenu sur cette interdiction. Jamais Molière n'a recherché à faire représenter sa pièce, et il a fallu attendre quelques années après sa mort pour que sa veuve occupée, peut-on le penser, d'exploiter astucieusement le capital littéraire et dramatique que lui avait laissé son mari, se décide à faire une adaptation qui édulcore la pièce par Thomas Corneille, adaptation qui a été jouée pendant près de 2 siècles à la Comédie-Française. Et donc, il y a eu un scandale immédiatement qu'on ne pouvait peut-être pas prévoir, puisque la pièce, répétons-le, était dans une convention théâtrale à l'époque, et un scandale sur lequel on n'est pas revenu. Donc, Molière ne s'est pas déjugé, et il reste évidemment une part de mystère, car à partir de là, on peut donner toutes les interprétations. Alors, qui est Don Juan et quelle est la clé de la pièce ? André Lagarde. Qui est Don Juan ? Je crois qu'il faut tout de même partir de la vie. Molière avait devant lui le spectacle d'un certain nombre de grands seigneurs qui étaient des libertins. La question est de savoir si sur cette vie qu'il a observée, il a greffé une philosophie qui lui était personnelle. Je crois pour ma part que Don Juan doit être considéré non pas comme un libertin simplement par réaction d'humeur, parce qu'il veut être libre, qu'il est égoïste et qu'il veut avoir le champ libre, mais parce qu'il a médité le problème. Il me semble que Jean Villard a appuyé dans ce sens lorsqu'il nous présente un Don Juan en train de lire, par exemple. Je pensais qu'il tenait en main à ce moment-là quelques éditions de Théophile ou d'un libertin du XVIIe siècle, voyez, ou encore... Non, ça va vous arriver beaucoup, mais je ne sais pas s'il y a là un jeu et une chance. C'est mon accessoiriste qui m'a donné ce livre, et ce livre est un livre de Voltaire. Je ne l'ai pas choisi. Ça va tout de même dans le même sens, voyez-vous. Pour l'amour de l'humanité. Et d'autre part, votre interprétation... Au moment où Don Juan, à la fin du troisième acte, se dirige vers la statue, me paraît aller tout à fait dans ce sens. Pour la première fois, Don Juan se trouve en présence du mystère, du surnaturel. Il n'a pas peur, mais il est surpris. Et il me semble que vous l'avez interprété d'une façon tout à fait intéressante. Au lieu de vous diriger vers la statue délibérément, vous avez traîné quelques instants sur la scène, comme si vous réfléchissiez, comme si vous méditiez, et comme si à un moment donné, vous preniez la décision d'aller jusqu'au bout, de faire l'épreuve. Et même, vous vous êtes dirigé vers la statue en agitant votre épée. Je ne sais pas si vous étiez très conscient. Il même menace la statue. Puis, comme c'est un esprit raisonnable, il dit, « Si c'est Dieu, il foudroie mon épée. » Ou enfin, et si c'est de la pierre, je la casserai. Alors finalement, il ne tape pas sur la statue. À la vérité, disons qu'il y a là deux questions au moment où Don Juan, pour la première fois, se trouve vis-à-vis d'une statue qui bouge. Dieu existe-t-il? Je ne croyais qu'il n'existait pas. Est-ce vrai? N'est-ce pas vrai? C'est des questions, enfin, banales, mais c'est exactement le problème. Don Juan, au départ de la pièce, ne sait pas si Dieu existe. Ou s'il n'existe pas. Il y a une manifestation du surnaturel, nous dirions, ou un chrétien dirait une manifestation divine. Il est surpris. C'est cela. Le problème reste entier pour lui. Mais est-ce que je ne suis pas joué? Car au 4, tout de suite après, il dira quelques vapeurs. Et il ne dit pas, c'est pas le dilettante qui dit ça. Il dit, peut-être ai-je été sous le coup de... C'est ainsi que les matérialistes expliquent les miracles. Au moment où Don Juan va vers la statue du commandeur, il y a deux conflits. Un conflit dans son esprit... et qui cherche à comprendre, et un conflit dans son corps, car quand même, plus que surpris, il a une certaine crainte, et il résout le problème comme il a toujours résolu sa vie, par le courage, et c'est par là que constamment Don Juan se sauve, et c'est par là qu'il nous est sympathique, et ensuite, c'est le pourvoir. C'est en quoi il est un héros. C'est en quoi il est un héros, car ce pourvoir est terriblement courageux, ce n'est plus le fait de jeter un morceau de la croix dans la cheminée, c'est quand même de se mesurer avec Dieu. Il est déjà, au fond, presque Manfred. André Lagarde. Mais il y a un autre aspect du personnage qui pousse plus loin. Nous venons de voir le libertin, mais il y a un problème qui se pose, c'est de savoir comment ce libertin se transforme au cinquième acte en hypocrite de religion. Mm-hmm. Qu'a voulu Molière? Pour ma part, je crois que c'est directement lié aux circonstances de la vie de Molière. Il est en lutte contre la cabale des dévots et il a éprouvé le besoin de parler, on peut dire une des rares fois peut-être dans son œuvre, de parler directement par la bouche d'un de ses personnages. Oui, seulement c'est tellement voulu, n'est-ce pas, que Don Juan, qui est quand même et malgré tout le personnage sympathique, ne restera pas longtemps hypocrite, et que après avoir mis en application son hypocrisie en face de Don Carlos, eh bien, il n'y tiendra plus et il sortira son épée et il redeviendra l'homme courageux. Il ira se battre avec lui, André Lagarde. Il est hypocrite jusqu'au bout, parce qu'il ne sort pas son épée. Il fait de la casuistique. Il n'accepte pas un duel. Il dit qu'il passera dans une rue et que si on l'attaque, il se défendra. Oui, mais il accepte. En tout cas, même... ce n'est pas l'interprétation que je lui ai donnée parce que je sors l'épée pour bien faire voir que je regarde si la pointe est effilée et prête à transpercer M. Don Carlos, qu'il aime beaucoup. Vous permettez une citation, septième provinciale, citation. Si un gentilhomme est appelé en duel, il peut, pour conserver son honneur, se trouvait au lieu assigné, non pas véritablement avec l'intention expresse de se battre en duel, mais seulement avec celle de se défendre si celui qui l'a appelé l'y vient attaquer injustement. Et ainsi, il ne pêche en aucune manière. Don Juan a commencé l'acte 5 dans un rôle d'hypocrite, et encore à ce moment-là, il persévère dans ce rôle d'hypocrite. Il joue la comédie jusqu'au bout. Seulement, il ne joue pas la comédie comme un Tartuffe qui se déroberait au duel. Alors, il accepte le duel. Je me demande si ce rôle d'hypocrite que Molière a bien entendu voulu mettre là pour des raisons de circonstance, mais il ne choque pas tellement dans Don Juan, car nous avons vu dans Don Juan un cynisme voulu à chaque instant. Et je crois que c'est en quelque sorte le couronnement de Don Juan dans le cynisme, et c'est sa manière à lui d'être libre, ça on peut le discuter, on peut trouver ça scandaleux, et je crois que finalement ça l'est quand même, mais sa manière à lui d'être libre, c'est un peu s'affirmer dans le cynisme dans chaque circonstance. Mais il l'est dès le début, il est cynique, et dès le début, oui. Il est déjà le monsieur qui s'amuse à l'hypocrisie. Ça l'amuse. Jouer à la dévotion ou au sentiment de respect vis-à-vis de la religion est une chose qui l'amuse parce que lui, ou ne croit pas en Dieu, ou veut lutter contre Dieu. Dès le premier acte, Molière pose le sujet en disant « c'est un débat, où je ne me souviens plus exactement du mot », entre le ciel et moi. Et d'autre part, il joue déjà une scène d'hypocrisie qu'Elvire démasque tout de suite quand il lui dit « Madame, je vous ai quitté parce que je vous ai dérobé à la clôture d'un couvent. » La réplique, la seule longue réplique que Don Juan dise à cette femme, qu'on suppose qu'il a aimée, enfin qu'il a en tout cas épousée, c'est une réplique déjà d'hypocrite. « Je vous avoue, madame, que je n'ai point le talent de dissimuler, que je porte un cœur sincère. Je ne vous dirai point que je suis toujours dans les mêmes sentiments pour vous, que je brûle de vous rejoindre, puisqu'enfin, il est assuré que je ne suis parti que pour vous fuir, non pas pour les raisons que vous pouvez vous figurer, mais par un pur motif de conscience. » Et d'ailleurs, la salle réagit déjà à ce mot-là. Il y a déjà le monsieur qui se sert de l'hypocrisie, comme il se servira de son épée. Ça l'amuse. Les hommes l'amusent. La condition humaine l'amuse. Ça l'amuse exactement comme de rompre les fiançailles de deux personnes qu'il a aperçues parce qu'il les a vues heureux. C'est le bon côté de Don Juan, c'est qu'il n'y a pas une chose qui sur cette terre d'un peu vivant de lui plaise. C'est un homme qui est touché par la beauté naturelle d'une paysanne. Elle n'est peut-être pas très très belle puisqu'elle dit elle-même qu'elle ne s'est pas lavé les mains. N'est-ce pas? Il les embrasse quand même. Mais il trouve tout très beau. C'est pour ça qu'il est sympathique. Il aime notre condition humaine et il se moque des hommes quand même. Et puis pour des lui, il n'y a rien de sacré. Et il ne faut pas oublier que sur le plan, de la pensée de Molière, il a voulu pousser l'ambiguïté jusqu'à faire défendre les thèses des dévots et les thèses des hommes en place de son époque par un valet. Et que les contemporains ne s'y sont pas trompés, n'est-ce pas? Nous-mêmes, d'ailleurs, nous n'y trompons pas, mais le reproche d'athéisme que l'on a fait à Molière était certainement très exagéré. Cependant, les faux dévots avaient quelques raisons de trouver que ce Don Juan était aussi dangereux que Tartuffe, et peut-être même beaucoup plus dangereux que Tartuffe, car, disons bien que Sganarelle ridiculise absolument la vraie ou la fausse religion, puisqu'il la ramène au moine bourru et au loup-garou. Jean-Michel Beigbeder. Il semble que cela n'arrive pas tout le temps. Par exemple, j'envisage l'acte 3. Malgré lui, Sganarelle représente la philosophie parfois. Je l'ai trouvé singulièrement représenté l'argument de Descartes, l'argument de Bossuet. Notamment, il envisage le libre arbitre. Et il est comme, malgré lui, un personnage intelligent. Je l'ai trouvé. Et il est ridicule, évidemment. Ça se termine dans une bouffonnerie, il tombe par terre. Seulement, il représente, dans une partie de son caractère, le bon sens que l'on retrouve dans Dorine de Tartuffe, par exemple. Ah non, Henri. Je crois que la vraie religion n'est pas dans le coup. Il y a seulement, d'un côté, la religion de Sganarelle, c'est-à-dire la religion reçue, la religion que Sganarelle a apprise et qu'il répète. Tous ces arguments-là, il ne les a pas inventés, c'est des arguments qu'on lui a ressassé quand il était petit, à ce brave Sganarelle. Et alors, d'un autre côté, il y a Don Juan, c'est-à-dire celui qui fait effort pour être libre. Car je ne sais pas si Don Juan est vraiment quelqu'un de libre, c'est-à-dire s'il arrive à l'être. Je crois même qu'en analysant bien la pièce, on trouverait qu'à plusieurs reprises, il est aux prises, même son effort de liberté le fait en quelque sorte prisonnier. Mais ce qui est certain, c'est que Don Juan est un homme qui fait honnêtement effort pour être libre. Non pas être libre pour la galerie, non pas être libre pour être un esprit fort, mais être libre pour lui et pour vraiment chercher une vérité. Alors d'après vous, Don Juan, grand seigneur libertin, serait le père spirituel du grand seigneur philosophe et encyclopédiste du XVIIIe siècle. Je crois qu'il représente l'esprit fort du XVIIe, qu'il était autant, et peut-être même plus, que M. Voltaire ou que les encyclopédistes. Nous avons, sous le mot de libertin, qui a perdu de sa pleine force, il y a l'homme libre, liber latin. C'est un homme qui avait des vues sur le monde, aussi matérialiste s'il le fallait, que ce que certains peuvent avoir de nos jours. Vous parlez des descendants de Don Juan, c'est-à-dire vous parlez du XVIIIe siècle, on pourrait revenir au XVIe siècle, aux humanistes aussi, et l'inscrire dans une tradition humaniste, non? Au XVIIe siècle, oui. Don Juan est libertin, mais Don Juan est libertin parce qu'au XVIIe siècle, être libre, ça consiste à être esprit fort en matière de religion. Mais placez ce Don Juan du XVIIe siècle, placez-le à n'importe quelle époque, vous le trouverez toujours du côté des gens qui font effort pour leur liberté, avec un autre contexte, avec d'autres paroles dans sa bouche peut-être. Mais c'est quand même, il est d'une race qui est vraiment éternelle. André Lagarde ? Je crois que nous avons déplacé le problème depuis quelques minutes, parce que le problème se posait en fonction de Sganarelle face à Don Juan. Et nous sommes revenus à Don Juan, ce qui prouve d'ailleurs l'attrait du personnage. Il me semble que ce que nous avons dit de Sganarelle ne supprime pas le problème. Même si vous avez dit, Henri, que Sganarelle, c'est celui qui a reçu la religion et qui répète ce qu'il a entendu dire. Becbédé, vous avez vu également qu'il y avait un écho de certains philosophes du XVIIe siècle, n'est-ce pas? Mais le problème est de savoir pourquoi Molière a ridiculisé dans la bouche de Sganarelle et la pensée sérieuse de philosophes estimables du XVIIe siècle, et par ailleurs la religion traditionnelle telle qu'elle était reçue. Parfait. Peut-être simplement pour faire ressortir Don Juan. Je crois qu'il est à peu près impossible de sortir de là. Je crois que c'est une vraie tradition de comédie italienne. Car la Commedia dell'arte, et plus lointainement la comédie, par exemple, Atellane, a quand même été toujours une comédie satirique extrêmement violente, d'une cruauté et d'une force qui nous surprend encore. Qui nous surprendrait, si. Qui nous surprendrait si on l'interprétait. Et qui serait peut-être interdite. Ce personnage de Sganarelle, alors là, vient tout droit des Lazzi, de la comédie italienne, et Molière l'a utilisé tel qu'il était dans les interprétations de Don Juan par la comédie italienne. Oui, mais enfin, il l'a poussé. Oui, mais il l'a choisi comme personnage. Il aurait pu en choisir un autre. Il aurait pu mettre face à Don Juan un raisonneur, comme il en met dans certaines comédies, qui rétablirait les choses dans le sens d'une piété saine. N'oubliez pas que Sganarelle ne fait pas que défendre la religion. Il défend les médecins, Sganarelle. Il défend toutes les bonnes vieilles institutions sociales. Sganarelle représente avant tout tous les conformismes. Il y a un fait, c'est qu'au XVIIe siècle, les conformismes trouvaient un terrain de choix dans la religion. Nos accents, le personnage de Don Juan et son double, son envers, si j'ose dire, Sganarelle, en disant que tout est axé par rapport au sein d'hypocrisie ou par rapport à Dieu, l'hypocrisie religieuse. Alors je crois qu'on oublie l'attitude de Don Juan par rapport à son père, l'attitude de Don Juan par rapport à la parole donnée. Don Juan attaque tout ce qui fait qu'une société est valable, qu'elle soit injuste ou juste. On ne peut pas vivre entre hommes sans le respect de la parole donnée. Voilà un homme qui épouse une femme, la laisse tomber le lendemain. Voilà un homme qui répond par une insolence terrible à son père. Don Juan n'attaque pas que la religion, il attaque ce qui, entre les hommes, est nécessaire. La loi, le mariage. La parole donnée à Don Carlos, et il estime Don Carlos, il attaque la famille. Sganarelle ne défend pas que la religion, il défend ce dont nous, tous les hommes et toutes les femmes, nous avons besoin pour pouvoir vivre et que ce ne soit pas l'anarchie. Et il y a un monsieur qui dit non, et qui attaque tout ça. Non, je m'excuse, jouons la pièce, ça y est constamment dans les répliques. Oui, mais je crois, Jean Villard, que Molière et Don Juan n'attaque pas ce qui est nécessaire aux sociétés, à la vie des sociétés, il attaque la perversion de ce qui est nécessaire. Pas du tout, il attaque la société, fût-elle la meilleure. Il fonce. Il attaquerait, si j'ose dire, la République de Platon, si alors, elle était juste. Alors, la meilleure des sociétés imaginées par les philosophes ou par les moralistes. Ou même s'il y a eu de bonnes sociétés, quelles qu'elles soient, c'est plus que la société qu'il attaque. C'est quelque chose qui relie les hommes entre eux. Alors Don Juan n'est plus Molière, parce que on pouvait trouver en Don Juan quelque chose de Molière s'il s'attaquait à tout ce qui n'est pas naturel, mais si vraiment il s'attaque maintenant à ce qui est naturel par esprit de destruction, alors Don Juan serait un monstre et il ne nous en donne pas tellement l'allure. Il ne serait pas un monstre, il serait un esprit fort. Et je ne veux pas dire un mot qui n'a peut-être que très peu de signification de nos jours, mais qu'il a eu un certain moment. Il est anarchiste. Oui. C'est-à-dire qu'il n'accepte pas qu'il puisse y avoir une direction morale ou spirituelle vis-à-vis de quelqu'homme que ce soit. Et quand nous dépeignons Don Juan, il suffirait de mettre des négations à tout ce que nous avons dit sur Don Juan maintenant pour dépeindre Sganarelle. Parce que Sganarelle est pour la parole donnée, et pour les sacrements du mariage, il est pour le respect du fils vis-à-vis de son père, même si le père est odieux, il est pour tout ce qui fait la bonne petite chose conformiste, la soupe au lait, il est soupe au lait. André Lagarde. De ce débat, je crois qu'il résulte que nous sommes partis de l'idée que c'était une pièce écrite rapidement, et pourtant d'une richesse extrême, d'une pièce qui était pleine de disparates, de contradictions même à certains moments, d'ambiguïté en tout cas, qui présentait pourtant une harmonie, qui offre le champ libre à la conjecture, avec des arrière-plans très riches, très variés, des profondeurs qu'on n'arrive jamais à explorer complètement. Et si cette œuvre a été écrite rapidement, avait-elle été méditée antérieurement? Tout ce que nous pouvons dire, c'est qu'elle était écrite avec ce génie de feu de Molière, dans la période la plus ardente de sa création dramatique, puisqu'il est entre le Tartuffe et le Misanthrope à ce moment-là. Et c'est ce qui explique peut-être que le Don Juan n'a pas fini de poser des problèmes à la curiosité, et on peut même aller jusqu'à dire à l'inquiétude humaine. La radiodiffusion télévision française vient de vous présenter, sous le haut patronage de Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, le théâtre et l'université, une émission de Philippe de Chartres. Le samedi 11 février au Palais de Chaillot, le Théâtre national populaire a donné une représentation de la comédie de Molière, Don Juan ou le festin de Pierre, que vous avez entendu dans un découpage radiophonique avec la distribution suivante. Don Juan, Jean Villard. Sganarelle, Daniel Serrano. Elvire, Monique Chaumette. Gusman, Georges Riquier. Don Luis, Georges Wilson. La statue du commandeur, Philippe Noiret. Un pauvre, Georges Riquier. Mise en scène de Jean Villard. Le débat de la tribune libre de théâtre et université réunissait autour de Philippe de Chartres, Jean Villard, directeur du Théâtre National Populaire, Paul-Louis Mignon, critique dramatique de la radiodiffusion télévision française, André Lagarde, professeur de lettres supérieures au lycée Louis-le-Grand, et Alain Henry et Jean-Michel Becbédé, élèves de lettres supérieures au lycée Louis-le-Grand. Réalisation, Éléonore Cramer. Thank you. C'était Don Juan ou le festin de pierre de Molière, dans une mise en scène de Jean Villard, enregistrée en public à Chaillot et diffusée la première fois le 29 février 1956 sur France 3 National. Vous pouvez télécharger et réécouter cette émission à la page des nuits sur le site franceculture.fr.